demoiselle. C'est toi que j'imagine, car tu es la plus belle. J'attends juste un signe pour me rapprocher d'elle. Je suis comme dans un film, sauf que tu es réel. African Queen, mesdames et demoiselles, c'est toi que j'imagine, car tu es la plus belle. J'attends juste un signe pour me rapprocher d'elle. Je suis comme dans un film, sauf que tu es réel. African Queen, métis, mes femmes couleur d'ébène. Régale des West Indies, mon Dieu que je vous aime. Je suis girl spécialiste, tu es ma reine africaine. Je vous mets tout en haut d'aller, c'est ça, je l'avoue sans problème. C'est dans la mélanine que je trouve la beauté naturelle. Qu'elle soit fatiguée, qu'elle soit fine, je les trouve tellement belles. Demande à ceux qui connaissent, ils te diront que c'est pas pareil. Mais Black Queen est tous mes sens sont en éveil. Je ne te regardais dormir, attendant juste que tu te réveilles. Ta présence, j'aime sentir, ta peau, c'est une merveille. Les autres sont souvent jalouses, abusent du mon oeil sous le soleil. Elle voudrait vous ressembler. Pour des UVLB, je te regardais danser, toujours du high level. Dans une salle surpeuplée, à mes yeux tu es la seule. J'aime quand tu dis que tu me plais, ça me fait pousser des ailes. Il ne reste qu'à s'aimer, je ne veux plus de querelles. African Queen, mesdames et demoiselles, c'est toi que j'imagine, car tu es la plus belle. J'attends juste un signe pour me rapprocher d'elle. Je suis comme dans un film, sauf que tu es réel. African Queen, mesdames et demoiselles, c'est toi que j'imagine, car tu es la plus belle. J'attends juste un signe pour me rapprocher d'elle. Je suis comme dans un film, sauf que tu es réel. Tu es ma reine africaine, tu es ma crème, tu es mon rêve. Mais à tel de ma gaine que tu es de loin la plus saine. J'aime comme tu portes tes peines, j'aime ton côté rebelle. Tu es l'essentiel de la vie, l'essence même. Tu réveilles mes sens, oui, et me donnes des sensations. Dans un débat, dans un lit, j'aime tes prises de position. Tu as l'Afrique dans les gènes, tu représentes la fondation. J'aime ton côté sans gêne, ma lionne, je suis ton lion. Avec toi, rien ne me freine, je me pose plus de questions. Black girl de impress, elle rewind sur mon son. Quand tu bouges, tu me régales, j'aime te voir en action. Ça risque d'être fatal, j'parle de ma réaction. Ce qui nous passe, ça m'est égal, sommet tel fial de gal. La commande mes princesses, oui mais African Queen. Je pense à toi sans cesse, pour toute ta vie je signe. African Queen, mesdames et demoiselles, c'est toi que j'imagine, car tu es la plus belle. J'attends juste un signe pour me rapprocher d'elle. Je suis comme dans un film, sauf que tu es réel. African Queen, mesdames et demoiselles, c'est toi que j'imagine, car tu es la plus belle. J'attends juste un signe pour me rapprocher d'elle. Je suis comme dans un film, sauf que tu es réel. African Queen. Dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan Maleko. King Topa, King Topa. African Queen. Toutes les black girls, toutes les African queens, toutes les black women, toutes les black princesses, black empress, you know.